l'ami des civils, vous êtes le pays qui est un arbre fort, vous êtes le pays qui pousse dans le temps. Qui vit par honte de beaux héros, qui parle à rose après autant, qui chacun des choses assez bonnes pour aller comme Tito et d'être en la forêt avec ses nœuds. Il y avait pas de chainsaw, il y avait haché boxeur, puis des bras durs comme la roche, puis des cuisses comme des troncs d'or, puis du grand tout le tour de la tête, puis qui n'était pas si bête. En 1910, en Abitibi, dans mon pays, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Il y a même des poils qui se portent, alors un vivant fait du monde.